Mesdames et messieurs, à la fin, tout au long de cette journée, vous avez pu entendre des contributions précises, résultant de longues recherches et traitant de sujets bien définis. Je voudrais, pour ma part, vous présenter une thématique qui n'a pas encore suscité l'intérêt des chercheurs. Je n'exposerai donc que des idées initiales qui mériteraient un examen plus approfondi. Vous m'écoutez ? Les faits et la réception des galeries historiques de Louis Philippe en Europe n'ont, à ma connaissance, guère été traités. Il s'agit d'une question certes difficile et complexe, mais qui est du plus grand intérêt. Je me limiterai à l'Allemagne, comme personne ne l'ignore. Pour ce qui est de l'Allemagne, avant 1871, on ne saurait parler d'un seul pays, mais de plusieurs. Je vous ai montré là le tapis de l'Allemagne avec 300 différents États. Même réduit, mon sujet est donc déjà beaucoup trop vaste. Dans les pays germaniques, aucune institution similaire ne fut créée. Cependant, avant Louis-Philippe, sous son règne, comme après lui, des projets pouvaient faire l'objet d'une comparaison vire le jour, même si leur but était différent. Il n'y avait pas de situation politique comparable dans les États allemands. Cependant, à l'époque napoléonienne et surtout post-napoléonienne, des efforts pour réunir ces États en une seule nation se firent jour. Cette unification tardive sous la direction de la Prusse, entérinée en 1871 à Versailles, au détriment de la France, par la proclamation de l'Empire allemand avec Guillaume Ier comme souverain, autrement dit, de voie particulière suivie par le peuple allemand dans l'histoire européenne. Comme je vais essayer de le montrer, une série d'initiatives virent alors le jour afin de propager l'idée de communauté des pays allemands à travers des cycles peints ou des peintures isolées. Peintures d'histoire et présentations muséales visaient à éveiller au sein de la population ce grand élan politique vers l'unité de la nation. Les moyens de la peinture d'histoire ont ainsi été mis au service de ce grand projet. Sous le règne de Louis-Philippe, la France constituait une nation. Le pays était toutefois divisé. Différents courants, de la gauche à la droite, de l'échiquier politique, cherchaient à faire voir leurs intérêts. Pour résumer simplement l'objectif poursuivi, il s'agissait de montrer que Louis-Philippe était là pour tous. Le contexte politique n'avait rien de comparable en Allemagne, ou du moins pas encore. La voie de l'unité politique sur le modèle de la France venait seulement d'être initiée. Il revenait aux nombreux princes des États allemands d'accomplir ces tâches ambitieuses. Pour sa mise en œuvre, la peinture d'histoire fut chargée d'illustrer et de promouvoir les efforts politiques à caractère national. À cet effet, les Allemands tournèrent aussi leur regard vers Versailles. Cependant, une institution équivalente aux galeries historiques ne peut être créée faute d'autorité politique compétente, car il n'y avait pas ni pouvoir central ni unité constitutionnelle. Le premier monument que je voudrais évoquer est le Walhalla, bâti par Leo von Klenze, près de Ratisbonne et inauguré en 1842. Ce temple néodorique qui se dresse sur un promontoire pittoresque au-dessus du Danube est une commande du roi Louis Ier de Bavière. À première vue, peu en accord avec cet édifice, est-ce inspiré par l'architecture grecque antique, le nom de Walhalla se réfère au panthéon céleste des héros tombés au combat décrit dans la mythologie germanique. Le temple se voulait un appel à tous les Allemands, afin qu'ils prennent conscience de leur culture commune et de leur unité politique en se remémorant les grandes réalisations des penseurs, artistes, écrivains et savants germaniques. À l'intérieur ont été érigées des statues et des bustes de ces grands Allemands disposés d'une manière qui n'est pas sans rappeler les galeries de sculpture de Versailles. C'est de 1807, alors qu'elle était encore prince héritier, que lui a commencé à imaginer ce projet. Il a été écrit à plusieurs reprises qu'il l'avait conçu pour s'opposer à l'occupation napoléonienne. Je pense, au contraire, qu'il a développé ce plan moins par opposition à Napoléon que sous son influence. En 1807, le jeune prince bavarois était en effet aide de camp de l'empereur. À cette époque, son père, le roi Maximilien Ier, était encore un allié de la France. Dans le quartier général silésien de l'empereur, le jeune, lui, a probablement vu le plan, je vous montre un dessin, visant à transformer l'église de la Madeleine en temple de la gloire, un projet approuvé par Napoléon en pleine campagne militaire et probablement discuté avec son état-major. L'idée d'édifier un tel panthéon national au centre de Paris a dû inspirer le prince héritier bavarois. Une fois monté sur le trône en 1825, lui s'est sans doute souvenu du projet de Napoléon. La victoire remportée en 1815 sur l'empereur des Français n'avait été possible qu'au prix d'efforts communs considérables. L'enthousiasme qu'elle avait suscité inspira la politique de tous les États allemands. Le Valhalla se devait d'être un monument visible par tous les Allemands, afin qu'ils se souviennent pour toujours de ce qui les unissait. Il fallut pourtant attendre plusieurs décennies avant que l'Allemagne ne soit politiquement réunie sous la direction de la Prusse. Le projet du Valhalla fut débattu de nombreuses années jusqu'à la pose de la première pierre le 18 octobre 1830. Entre-temps, l'intention politique associée à la construction de l'édifice avait été clairement formulée par le roi. Je cite « Puissent tous les Allemands, quelle que soit leur origine, toujours ressentir qu'ils ont une patrie commune, une partie dont ils peuvent être fiers et que chacun puisse contribuer autant que possible à la glorification. » À l'époque napoléonienne, c'est en opposition à l'hégémonie de la France en Europe que se développa la peinture d'histoire allemande. Les initiateurs du renouveau de ce genre dans l'espace germanique se trouvaient alors à Vienne. Les jeunes peintres Philipp Veit et Franz Pfau, étudiants entrés en rébellion contre l'académisme, refusaient de suivre la voie obligée du classicisme. Les études traditionnelles d'après l'antique, la copie de moulage en plâtre, étaient contraires à leur sensibilité et leur soif de liberté. Fondé en 1809, le Lukasbund, confrérie de Saint-Luc, réunit des peintres, dont Friedrich Overbeck, convaincus qu'une refondation de la peinture religieuse sur le modèle de l'art italien allant de Giotto au jeune Raphaël pourrait insuffler une nouvelle vie à la production picturale allemande. La peinture allemande ancienne, en particulier les œuvres d'Albrecht Dürer, devait également être une source d'inspiration. Attends, je suis pas encore là. Ce groupe d'artistes qui s'installa à Rome vers 1810 et fut bientôt connu sous le nom des Nazaréens avait choisi pour mot d'ordre la vérité. Je suis là un peu en... En plus de la peinture religieuse, les membres de la confrérie de Saint-Luc et les Nazaréens se consacrèrent toujours davantage aux scènes historiques en s'inspirant d'abord de modèles littéraires. Rodolphe d'Habsbourg était, comme dans la ballade de Friedrich Schiller, vu en héros romantique de l'histoire allemande parce qu'il était parvenu à réunifier le Reich allemand en dépit de grandes résistances. Peinte par Philipp Veit, l'entrée de Rodolphe à Bâle en 1273, où lui fut signifiée son élection, est un exemple de cette nouvelle orientation artistique. D'un point de vue pictural, Veit s'inscrit aussi en opposition au monde d'expression du classicisme, marqué par l'Antiquité et la Renaissance, pour adopter un style archaïque qui le rattache aux œuvres de Holbein, Cranach ou Dürer. Curieusement, c'est donc à Rome que la nouvelle peinture d'histoire allemande fut élaborée par les Nazaréens. À l'origine, elle traduisait une conception romantique et onirique du Moyen-Âge. Mais elle ne tarda pas à gagner en sérieux, les peintres se tournant rapidement vers des écrits des historiens. Artistes comme historiens cherchaient alors à donner un fondement identitaire à la nation allemande. Dans les œuvres des années suivantes, Philipp Veit allait rester fidèle à l'objectif de promotion de l'unité nationale. Sa Germania de 34 à 38, avec son regard mélancolique, teinté de romantisme et la couronne de Charlemagne à ses pieds, est une allégorie vivante de la Renaissance de l'Allemagne dans l'esprit du Moyen-Âge. La Révolution, peinte deux décennies plus tard, après la Révolution de 1848, se tient en revanche debout, sûre d'elle-même et rayonnante d'espoir. Le tableau était accroché dans l'église Saint-Paul de Francfort, où se tint la première assemblée nationale de l'histoire allemande, chargée de fonder un État fédéral sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, un projet qui finit par échouer. Dans cet esprit de soutien à la cause nationale, un des tout premiers commanditaires fut le roi Louis Ier de Bavière. Il offrit non seulement un regain de prestige à Munich grâce à un ambitieux programme d'urbanisme, mais fit aussi réaménager sa résidence dans la capitale conformément aux nouvelles conceptions artistiques. De 1826 à 1829, les arcades du Hofgarten de Munich furent ainsi ornées de fresques commanditées par le roi Louis Ier et réalisées par les élèves de Peter Cornelius. Des scènes de l'histoire bavaroise du Moyen-Âge à l'époque moderne y furent représentées, un cycle historique qui retraçait les actes héroïques des souverains de Bavière et plusieurs événements politiques marquants. Un exemple, parmi d'autres, est le courageux fait d'armes accompli en 1155 par Othon de Wittelsbach. À la tête d'une troupe sélectionnée de soldats bavarois, il s'empara d'une étroite passe tenue par l'ennemi à Chiusa, au nord de Vérone, afin d'ouvrir le passage à l'empereur Frédéric Barberousse dans sa traversée des Alpes. Nous sommes en présence d'un engagement en faveur de l'empereur et d'une profession de foi à l'égard de l'Empire dont Othon de Wittelsbach brandit le drapeau de la main gauche. Un deuxième exemple est l'attribution en 1180 du duché de Bavière à Othon de Wittelsbach par l'empereur à titre de reconnaissance. Louis Ier s'impliqua personnellement dans le choix des sujets et dans les détails d'exécution du cycle peint. L'idée d'instruction publique joua un rôle majeur dans cette entreprise coûteuse. Il s'agissait de provoquer une identification avec la dynastie régnante grâce à la présentation des moments les plus marquants de son histoire. Mais ces peintures illustrent aussi le patriotisme allemand qui s'était développé après 1815 et la défaite de Napoléon et l'espoir de l'édification d'un État germanique commun. En 1818, eut lieu à Munich la prestation de serment solennel sur la constitution faite par Maximilien Ier, en présence de son fils, le futur Louis Ier, et de son gendre Eugène Beauharnais, cérémonie qui marqua l'établissement en Bavière d'une monarchie constitutionnelle. L'événement a été peint par un peintre bavarois, Monten, mais l'œuvre ne s'est pas bien conservée. Je vous montre donc une gravure à gauche. En voici donc une gravure qui, malgré son format réduit, ressemble beaucoup à la représentation par Eugène de Villara de la cérémonie similaire qui eut lieu en 1830 à l'Assemblée nationale à Paris, la toile étant aujourd'hui conservée à Versailles dans la salle de 1830. Les fresques des arcades du Hofgarten rendaient hommage, pourrait-on dire, à toutes les gloires des Wittelsbach, mais en plus d'illustrer la renommée de la maison régnante bavaroise, elle symbolisait aussi l'engagement en faveur de l'unité de la nation allemande dont la réalisation allait encore attendre un demi-siècle. Dans les années 1830, le roi Louis Ier fit interrompre les travaux des arcades du Hofgarten et chargea Julius Schnorr von Carolsfeld et d'autres peintres de décorer les salles dites impériales de sa résidence. Ce sont les salles en rouge. L'essentiel de ces décors a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous montre quelques photos qui ont été conservées et qui nous donnent une impression de ces salles qui sont perdues pour toujours. Vous avez là représenté Charlemagne, l'empereur Barbarousse et Rudolf de Habsbourg apparaîtraient comme les trois souverains allemands les plus remarquables qui avaient incarné la grandeur et la gloire de l'Empire allemand. Cet empire, aussi déchiré qu'il ait pu être, était considéré à l'époque romantique comme le symbole de l'unité politique dont la restauration après les guerres napoléoniennes devait être le véritable objectif de tous les Allemands. Voici encore une autre photo avec à gauche l'annonce de l'élection de Rodolphe de Habsbourg et à droite, encore une fois, Frédéric Barbarousse, salué par une population enthousiaste au moment de son entrée victorieuse à Milan en 1162. Quelques années avant la réalisation des peintures à Munich et de la résidence royale, soit au début des années 1820, de jeunes peintres d'histoire de Düsseldorf avaient déjà exécuté des peintures d'histoire sur les hauts faits de l'empereur Barbarousse dans un domaine privé de la Rhénanie. Le château de Heltdorf, près de Düsseldorf, appartenait et appartient toujours à la famille von Spee. Peu après 1820, le comte von Spee proposa à l'Académie de Düsseldorf d'orner le jardin d'hiver de sa résidence d'un cycle peint illustrant des événements politiquement significatifs du Moyen Âge. Il a fallu plusieurs années avant que la réalisation de ce projet ambitieux ne soit lancée. Le programme iconographique, comme les artistes, changèrent. Ce furent finalement quatre élèves du Berlinois Friedrich Wilhelm von Schadow qui achevèrent le décor, lequel, comme l'écrivait Schadow, devait représenter la plus grande gloire de l'Empire allemand à travers l'histoire de Frédéric Ier Barbarousse. C'est dans ce même esprit qu'Karl Stürmer peignit sa réconciliation de l'empereur Barbarousse et du pape Alexandre III en 1177 à Venise. Contrairement à des représentations plus anciennes où l'empereur était figuré à genoux au pied du pape, l'œuvre exprime clairement la position d'égalité et le partenariat politique existant entre l'Église et l'État impérial. Dans ce tableau, la génuflexion de Henri le Lion, d'un peintre qui s'appelle Heinrich Mücke, montre en revanche, à droite, comment le duc de Guelph s'est soumis à l'empereur en 1181 et ainsi reconnu en Frédéric Barbarousse le représentant de l'Empire tout entier. La composition peinte par Carl Friedrich Lessing en 1831 illustre quant à elle la victoire en mai 1190 de l'empereur Barbarousse sur le sultan ad Iconium au moment de la troisième croisade. On pense aux croisades aux galeries historiques de Versailles. Le congrès de Vienne de 1814 à 1815 s'est certes conclu par un accord entre princes allemands et autrichiens et a défini des termes de la paix entre États européens après la défaite de la France. Mais pour beaucoup d'Allemands, il fut aussi une grande déception, car il signifia la restauration des anciens régimes. L'espoir de la création d'un État fédéral national avec ou sans l'Autriche ne s'était pas réalisé. Les peintres d'histoire de leur commandataire s'étaient concentrés sur la personne de Rodolphe de Habsbourg comme idéal du personnage historique dominant. Toutefois, ce souverain symbolisait plutôt la perpétuation de l'Empire autrichien. Or, le congrès de Vienne, sous la houlette du prince Metternich, n'avait pas favorisé la fusion entre l'Autriche et les autres pays germaniques. L'Allemagne demeurait une mosaïque de plus de 300 États de petite et moyenne taille. Déçus, les patriotes allemands, qui s'étaient partout rassemblés pour combattre Napoléon, cherchèrent alors de nouveaux modèles. C'est à ce moment de l'histoire qu'émergèrent l'enthousiasme pour l'empereur Barbarousse et l'espoir d'une fusion des États germaniques sur la participation de l'Autriche. Alors que je vous montre très brièvement seulement un monument qui a été construit seulement à la fin du 19e siècle, après la réunification et la proclamation de Guillaume Ier comme empereur de l'Allemagne, un monument monumental, peut-être même monstrueux, qui montre cette vision de Barbarousse comme l'empereur du Moyen-Âge qui était dans les têtes et dans les cœurs des Allemands au milieu du 19e siècle. Et nous allons le rencontrer encore. Alors que les fresques du Hofgarten de Munich glorifiaient encore la maison régnante de Bavière, celle peinte quelques années, des décennies plus tard par Alfred Rethel à l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, projetée dès les années 1830, elles ont été réalisées dans les années 40, furent d'emblée conçues dans l'esprit d'une aspiration à l'unité de la nation allemande. Rethel lui-même a décrit avec précision les tableaux qu'il a conçus pour la mairie d'Aix-la-Chapelle et a réalisé des études préparatoires détaillées qui donnent un aperçu fidèle de l'intention à l'origine de l'œuvre. Le premier tableau du cycle est une sorte d'introduction. On y voit, c'est très mal à voir, mais peut-être vous pourrez le reconnaître, on y voit l'empereur allemand Otton III venu en pèlerinage à Aix-la-Chapelle qui fait ouvrir la tombe de Charlemagne pour prier humblement devant le corps de son prédécesseur tant admiré. Comme l'a écrit Rethel en observant ses peintures, le sentiment national s'incline et contemple avec amour son prestigieux passé pour compenser la misère du présent. Au cours de sa brève existence, il est décédé très tôt, Rethel ne visita jamais les galeries historiques de Versailles, mais il connaissait certainement la réalisation de Louis-Philippe et son contenu, car les journaux allemands en avaient publié des descriptions détaillées. Si dans la galerie des batailles les salles des croisades, l'accent était mis sur le rôle joué par le souverain français, très chrétien, dans la propagation du christianisme, Rethel soulignait également ses glorieux faits chez Charlemagne, bien sûr présenté comme un empereur exclusivement allemand. Dans la bataille de Cardoue, qui illustre la défense de l'Occident contre les Arabes en Espagne, nous voyons l'empereur allemand au milieu de l'agitation des combats mettant à bas le drapeau du sultan sarrasin de Séville et privant ses ennemis de leur dernier espoir de victoire alors qu'ils avaient d'abord cru certaine. Curieusement, la composition repose sur un modèle franco-allemand. Rethel s'inspire d'un poème romantique de Friedrich Schlegel pour lequel l'écrivain s'est lui-même servi de la Historia Carolingi Magni de Rotolandi, probablement écrite par l'évêque de Reims, Turpin. Charlemagne est aussi dépeint en défenseur et propagateur du christianisme lorsqu'il subjugua les Saxons, fit abattre leur arbre saint, l'Irminsul, et contraignit leurs tribus vaincues à se convertir à la foi chrétienne. Ce thème est aussi représenté dans les galeries historiques de Versailles, cette fois, bien sûr, dans le contexte du passé glorieux de l'histoire de France. L'assujettissement des Saxons renvoie cependant aussi à leur intégration par Charlemagne dans l'Empire allemand. Celui-ci remporta une victoire similaire dans le nord de l'Italie quand, après le siège et la prise de Pavie, il intégra les Lombards dans le Reich. La fascination pour le Moyen-Âge et l'héroïsation des souverains qui, à cette époque, donnèrent à l'Empire allemand sa grandeur et son importance était une thématique de prédilection de la peinture romantique des pays germaniques. Et l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle était un lieu public où l'évocation d'un grand et glorieux passé pouvait être comprise comme un appel à réaliser les objectifs politiques du présent. Quittons la Rhénanie pour nous tourner vers quelques exemples de peintures d'histoire en Prusse. Il est intéressant de noter que l'espoir d'une unification politique y a d'abord joué un rôle moindre, situation qui allait changer à l'époque de Frédéric Guillaume IV et de Bismarck. Après la période napoléonienne, deux thèmes ont été au centre de l'attention des peintres d'histoire en Prusse. Ils se consacrèrent d'une part aux événements historiques contemporains qui ont défini la nouvelle identité politique de l'État prussien à l'époque de la Restauration. De l'autre, ils évoquèrent sous un angle précis le passé prestigieux de la Prusse du XVIIIe siècle pendant le règne de Frédéric le Grand. Pour ces artistes, il n'allait pas de soi de peindre des thèmes médiévaux. La Prusse était une nation trop jeune pour prendre part à son compte des exemples d'actes héroïques d'un passé si reculé. Dans les deux thèmes traités, les événements de l'histoire contemporaine, prussienne et Frédéric le Grand, l'idée nationale allemande jouait de fait un rôle moins important. Achevée en 1839, la parade Unter den Linden de Franz Krüger illustre l'affirmation de l'État prussien après la période napoléonienne. Une scène militaire se déroulant à Berlin est le sujet principal de cette revue de grand format. Le régiment de la garde, passé en revue par le roi Frédéric Guillaume III, se trouve de fait au centre de la composition, mais à distance du spectateur, si bien que les détails sont difficiles à distinguer. Le roi se trouve là, ici, là, à l'ombre. Et puis, le tableau ne figure pas un événement précis. À la demande du souverain, Krüger a plutôt peint une scène imaginaire qui, malgré son caractère réaliste, peut aussi se comprendre comme une allégorie de l'État prussien. Le tableau n'est pas une peinture d'histoire au sens d'un exemplum virtutis, un exemple de vertu. Il nous présente ni héros, ni action morale exemplaire. C'est la peinture d'un panorama urbain animé. Et pourtant, il contient un évident message politique et social. Le peintre a réalisé pas moins de 240 portraits. Au souverain, entouré des membres du gouvernement et des hauts gradés dans l'ombre, font face au premier plan à droite les représentants de la société civile, fonctionnaires, médecins, scientifiques, architectes, peintres, sculpteurs, musiciens, compositeurs, écrivains, en un mot, l'élite politique, culturelle et intellectuelle de la Prusse de l'époque. le titre de parade prussienne sous lequel l'œuvre a été présentée au Salon de Berlin ne doit donc pas seulement être rapporté à la scène militaire, à l'arrière-plan, mais aussi à cette assemblée d'éminentes personnalités qui font la gloire de la Prusse. En définitive, cette peinture symbolise l'État prussien, l'union du monarque et du peuple. Il est inhabituel que le roi ne figure pas au centre d'une telle composition. Après des décennies d'affrontements guerriers, la Prusse se présente ici comme un État dans lequel les différentes classes de la société se retrouvent sous l'égide du souverain qui en promeut l'unité. Si les militaires demeurent à la base de la sécurité du pays, celui-ci tire avant tout son identité de l'économie, du commerce, de l'éducation et de la culture. Comme nous venons de le voir, le roi Frédéric Guillaume III fit placer des œuvres de Kruger dans le palais du Kronprinz. Il existait manifestement un projet d'y créer une sorte de galerie historique. La tâche avait été confiée à Franz Kukla et ce choix ne devait rien au hasard. Premier titulaire d'une chaire d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, Kukla avait effectué une visite approfondie de Versailles. En 1846, il avait tenu une conférence sur le musée versaillais. Sa présentation enthousiaste, qui n'a pas encore été traduite en français, mais qui mériterait, laisse deviner à quel point elle avait trouvé grandiose la mise en scène de l'histoire voulue par Louis-Philippe. Dans plusieurs contributions, il se prononça en faveur d'une réforme de l'enseignement de la peinture d'histoire. En Allemagne, Kukla fut sans doute la voix la plus importante à souligner l'importance des galeries historiques de Versailles. À partir de 1838, il a même jusqu'à mener des discussions avec le souverain sur la mise en œuvre d'une entreprise comparable à Berlin. Il est fort probable qu'elle ait eu l'occasion de faire un compte-rendu officiel de sa visite à Versailles au roi, que celui-ci releva, lui demandant d'élaborer des propositions pour une galerie nationale. Kugler a dû y travailler avec empressement. Il dressa un inventaire comptant plus de 2000 entrées, soit des portraits et des peintures d'histoire des collections royales, parmi lesquelles on pourrait sélectionner les œuvres les plus significatives pour la galerie. Ces plans n'aboutirent pas, car le roi mourut en 1840. Kugler semble néanmoins avoir poursuivi son idée, puisque en 1846, dans la conférence que je viens d'évoquer, il insista à nouveau sur l'importance des galeries historiques de Versailles. Malheureusement, aucune autre source sur ce projet n'a été conservée. On peut toutefois supposer qu'en Prusse, l'intention n'était pas de créer une galerie nationale allemande, mais seulement une galerie prussienne. Adolf Menzel, sans doute le plus important des peintres prussiens, qui a aussi traité des thèmes historiques, s'est gardé de donner une image héroïsée de Frédéric le Grand. Une de ses œuvres précoces, Frédéric et les siens à la bataille de Hochkirch, qui a malheureusement brûlé lors de la dernière guerre, présente le roi en première ligne. Menzel nous montre comme Frédéric II s'expose aux dangers les plus graves afin de galvaniser ses soldats. Le combat se conclut néanmoins par une défaite. L'intention du peintre n'était pas de figurer une glorieuse victoire, mais plutôt de mettre en scène les circonstances dramatiques de l'engagement du commandant de l'armée sur le champ de bataille. C'est précisément son refus de l'hérésisation qui rend l'art de Menzel si singulier. Le peintre nous présente plutôt le monarque comme une personnalité exceptionnelle, voire un modèle social. L'accent est mis sur ses traits de caractère, ses talents et ses connaissances acquises à titre privé. Sa pratique de la flûte, étudiée auprès d'un professeur, est portée à un haut niveau de maîtrise et sa capacité à composer des pièces de musique ont fait l'objet de descriptions détaillées au début du XIXe siècle. Par ses lecteurs assidus, sa fréquentation des littératures anciennes et françaises, ses nombreux écrits sur l'art de gouverner et ses poèmes, Frédéric II était considéré comme une personnalité d'exception, largement admirée en tant que souverain. Il entretenait en outre des contacts avec des amis qu'il recevait pour des discussions savantes, loin de tout cérémonial, au château de Sanssouci. Jusqu'au milieu du siècle, la peinture d'histoire prussienne ne fut donc le vecteur d'aucun effort pour propager l'idée de l'unité allemande. Les peintres se concentrèrent de façon univoque sur les thèmes de l'histoire prussienne qui mettaient l'accent sur la grandeur du pays. Il y eut toutefois une initiative une initiative privée du consul berlinois Wagner, qui légua, que vous voyez là, qui légua au prince héritier et futur roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, sa vaste collection d'art, réunissant des œuvres provenant de nombreux pays germaniques. Il conditionna sa donation au souhait de voir le monarque fonder un musée consacré à l'art de l'ensemble des pays allemands. L'art, et pas seulement la peinture d'histoire, était ainsi défini comme un élément unissant l'ensemble des Allemands. Le prince héritier accepta le legs et la condition qui l'accompagnait. Il fallut ensuite attendre une décennie avant que le souhait de Wagner se réalise avec la fondation de la Nationalgalerie, de la Galerie nationale, et l'inauguration de son bâtiment sur l'île des Musées à Berlin en 1876. Celle-ci eut lieu après la proclamation à Versailles du roi de Prusse Guillaume Ier comme empereur d'Allemagne. La Galerie nationale devrait être dédiée, comme vous voyez là, à l'art allemand, non pas à l'art prussien. En plus de la collection Wagner, elle fut aussi remplie des œuvres en provenance de châteaux prussiens illustrant des batailles victorieuses des princes du royaume que vous voyez sur la gauche, l'intérieur de la galerie après 1876. Cependant, quand Hugo von Tschudi, esprit d'une modernité, d'une ouverture hors du commun, reprit le poste de directeur dans les années 90, une vive querelle éclata. Guillaume II et les artistes conservateurs s'opposèrent avec véhémence à von Tschudi, qui avait introduit des œuvres impressionnistes français dans la Galerie nationale. Pour prix de son initiative courageuse, von Tschudi dut finalement quitter son poste. Du moins, était-il parvenu à faire de son musée un lieu ouvert à l'art moderne et libérer cette institution de sa politisation. Permettez-moi, en conclusion, de proposer un bref résumé de mon exposé. Comme nous avons vu, la réponse à mes questions de départ est assez claire. Une entreprise semblable aux galeries historiques de Versailles, voulue par Louis-Philippe, n'a pas existé en Allemagne. Le musée versaillais a toutefois été vu et étudié en détail par des visiteurs allemands, parmi lesquels des critiques et des peintres. Il fut source d'inspiration à la fois par sa présentation et par les peintures qui y étaient exposées. Pourquoi une institution comparable n'a-t-elle pas pu voir le jour en Allemagne? Ma réponse est que l'Allemagne était trop fragmentée. Elle ne disposait pas d'un gouvernement central susceptible d'être intéressé par un tel musée. Cependant, dans les divers pays allemands, on vit émerger une peinture d'histoire vivante, également motivée par un sujet politique majeur, l'espoir d'un État commun. Nous en avons trouvé des exemples en Bavière, en Rhénanie et en Prusse. Les galeries historiques de Louis-Philippe n'ont donc pas eu d'héritier direct en Allemagne. Certes, l'histoire de la peinture d'histoire en Allemagne ne peut se concevoir sans échange artistique avec la France. Mais pour une institution comme celle de Versailles, en raison de la situation politique différente de l'Allemagne, toutes les conditions requises n'étaient pas réunies. Merci.